France Culture La Nuit, un patrimoine radiophonique. La beauté du geste, tel était le titre et sujet de la première émission d'une série de 5 consacrée à Vladimir Jankélévitch par Raphaël Antoven. Première émission proposée hier à 7h dans les nuits de France Culture. Très logiquement, voici la deuxième émission, La mort ou l'expérience de l'impensable. Chacun sait qu'il va mourir, mais personne ne le croit vraiment. Présence lointaine de Vladimir Jankélévitch. Présence lointaine de Vladimir Jankélévitch. Vladimir Jankélévitch, la mort ou l'expérience de l'impensable. Vladimir Jankélévitch, la mort ou l'expérience de l'impensable. Présence lointaine de Vladimir Jankélévitch. Dès qu'un homme est né, il est assez vieux pour mourir. La mort, dit Jankélévitch, c'est la maladie des malades et des bien portants. Quand on n'est pas malade, on est encore quelqu'un qui peut et doit mourir. Mais si une chose est de savoir que je suis, comme tout le monde, un mort en sursis, tout autre est d'en prendre conscience. Pas un seul des quelques 100 milliards d'humains qui ont traversé l'existence n'a échappé à une loi qui pourtant demeure à jamais une expérience inédite, surprenante, singulière. Certes, tout le monde doit mourir, mais moi je ne suis pas tout le monde. L'individu que je suis n'est pas soluble dans cette arithmétique abstraite. En vérité, moi qui vis, je suis de part en part compris par la mort, mais je ne la comprends pas. La mort est un secret de Polichinelle qui nous surprend sans être surprenant. D'ailleurs, devant un cercueil, les hommes se conduisent souvent comme si le mort n'avait pas eu de chance. Comme si ce qui lui arrive était un malheur nullement applicable à eux-mêmes. Bref, la mort a beau être l'affaire de tous, c'est d'abord le problème de chacun. Et ce n'est pas parce que tous les hommes, en général, sont mortels que je ne le suis pas moi-même. Ce n'est pas parce que je sais dans l'absolu que je vais mourir, que je suis dispensé, ici et maintenant, de le croire, de le comprendre et enfin de le vivre. La mortalité impersonnelle du genre humain est un pagne, un paravent paradoxal, derrière lequel se cache la mort propre, intime, de chaque individu. Tout le monde est le premier à mourir, rappelle Ionesco. Autrement dit, ce qu'on sait déjà, on le découvre toujours. Mais à l'heure d'y passer, ce qu'on connaissait du bout de la pensée, voici qu'on le comprend avec l'âme tout entière. Comme l'amour, la mort est toujours jeune. Mais l'amour est ineffable et la mort est indicible. On ne peut pas parler de la mort. Mais on peut parler autour d'elle. Avec vous, Françoise Schwab, vous étiez parmi les amis les plus proches de Vladimir et Lucienne Jankélévitch, et vous vous occupez depuis 1985 de la publication posthume de textes et de conférences du penseur. Vous avez ainsi publié 9 ouvrages, parmi lesquels un recueil d'entretiens chez Liana Lévy, opportunément intitulé « Penser la mort ». Pierre-Michel Klein, vous êtes professeur de philosophie, et avant d'être le président de l'association qui porte son nom, vous avez été l'étudiant et l'ami de Vladimir Jankélévitch. J'ajoute que vous êtes l'auteur d'un livre intitulé « Logique de la mort », publié en 1988 aux éditions du CERF. Enfin vous, François Georges, vous êtes philosophe et vous faisiez partie vous aussi du premier cercle, à tel point d'ailleurs que sur le chevalet qui orne la salle de musique dans l'appartement du Quai aux Fleurs, il y a en évidence depuis plus de 20 ans une carte postale que vous leur aviez adressée de Tivoli. Je voudrais bien que ce soit le problème des autres. Malheureusement, c'est aussi le mien. idée que je ne serai plus, idée qu'un monde peut continuer où je ne figurerai plus, n'est-ce pas, dont je ne serai plus un élément pourtant bien secondaire, mais l'idée que ça pourra continuer sans moi, n'est-ce pas, que je ne verrai pas le 21e siècle, par exemple, est une idée très difficile à supporter. Et on ne peut faire qu'une chose, c'est de ne pas y penser. D'autre part, j'ai besoin d'une assurance contre le néant. Alors, comment combiner ça? Eh bien, ça ne peut pas se combiner. C'est la grande déchirure de l'existence humaine, c'est le problème éternel. Il y a deux idées qui sont absolument contradictoires, qu'on ne peut pas concilier ensemble. La première est de concevoir une autre existence, n'est-ce pas? Et une vie qui serait sans la mort, une vie éternelle, par exemple, dans ce monde. Et la deuxième, qui est l'idée du néant, qui est du reste une absurdité également. Comment puis-je disparaître avec un mauvais bagage, n'est-ce pas? Être évacué de la tête aux pieds. Et je dirais même que cette idée est tellement absurde, l'idée du néant, de l'anéantissement, qu'elle est en quelque sorte une preuve de ce qu'on ne peut pas prouver. Je crois que beaucoup de gens bavardent sur la mort et que personne ne parle de la mort. On parle autour, à propos. On ne peut pas parler de la mort, on ne peut rien en dire et on ne peut même pas la penser. Ce qu'on peut faire, c'est bavarder à son propos. Par exemple, quand vous me dites les cercueils, les cimetières, voulez-vous être incinéré, etc., l'euthanasie, c'est pas le problème de la mort, c'est le problème de la vie. À force d'allonger la vie humaine, on ne rendrait pas l'homme éternel. Entre une vie longue et une vie infinie, il y a une distance qui est absolue, qui est plus grande que celle du ciel à la terre. Par conséquent, le problème est de savoir si un homme éternel est concevable. Alors c'est un non-sens, c'est une absurdité. La mort est l'a priori de la vie. Nous sommes aujourd'hui au 21e siècle et le philosophe, né en 1903, est mort depuis 18 ans. Celui qui meurt n'emporte pas le monde avec lui, la Terre continue de tourner. Est-ce que ça n'est pas ce que la mort, selon lui, a de plus insupportable? Pierre-Michel Klein. Je crois que l'extrait que nous venons d'entendre est très très très caractéristique de la contradiction, de l'opposition, de la perplexité dans laquelle la pensée de la mort nous place. D'un côté, Jean Kelevitch a très très longuement pensé la mort. Et il l'a pensé comme un certain nombre de philosophes l'ont pensé. Mais il l'a pensé en essayant de penser le fait que lui-même, un jour, ou bien, enfin en tout cas, comme tous les autres, comme tous les autres hommes, un jour cette mort le prendrait. Donc il était toujours en face, au moment de penser la mort, du fait que c'était lui-même et en personne qui était concerné par cette mort qu'il pensait. Et en même temps, il pensait que, eh bien, quand il pensait à la mort, il ne pensait pas exactement ce qui pouvait lui arriver. Parce que quand on pense à la mort, on pense à autre chose, on pense à la vie, on pense au temps qui nous reste, et on pense d'une certaine manière, de manière extrêmement générale. Donc il pensait lui-même cette contradiction entre le fait qu'il était en personne concerné, et en même temps qu'il ne pouvait penser cette mort que de manière inconcernée. Et c'est cette opposition qu'il a toujours essayé de penser. Et en même temps, c'est cette opposition qui lui donnait une sorte de, non pas d'espérance, mais de sens au fait qu'on pouvait quand même essayer de penser quelque chose à partir de cette opposition-là. François Georges. Oui, il y a là, ce que j'appellerais aussi la désinvolture de Jean Kelevitch, c'est-à-dire qu'il écrit un livre de 500 ou 600 pages sur la mort, et pour dire de la mort, on ne peut rien dire, dans la mort, il n'y a rien à penser. Ce qu'il dit aussi sur le temps, et lui qui était donc philosophe du temps. Ce qu'il dit aussi, finalement, sur la musique. Alors ça, c'est cette désinvolture géniale de Jean Kelevitch. Mais là où il n'était pas désinvolte, c'était quand il pensait aux amis morts pendant la Résistance. Et morts très jeunes. Parce que, bon, bah oui, après tout, là, quand même, on peut se résigner. Toute philosophie mise à part, bah, 83 ans, la mort n'est quand même pas un scandale. En revanche, il pensait à tous ceux qui étaient, si j'ose dire, restés sur le carreau. Et par exemple, Jean Cavaillès. Et puis tous ces jeunes, il y avait des pages discrètes, plutôt des lignes, des passages de Jean Kelevitch, quand il évoque tous ces jeunes qui étaient fusillés au Mont-Valérien, qui emportaient une dernière vue de Paris du Mont-Valérien. tous les ans, à la fin de l'année universitaire, il y avait des commémorations pour les étudiants morts pendant la guerre et au jardin du Luxembourg. Et nous étions une poignée d'étudiants à le suivre après le cours, aller ensemble, non pas faire des dévotions, ça n'était pas du tout son genre, mais simplement une présence, montrer que nous n'oublions pas, nous sommes là. Lui disait toujours, je souffre, j'ai mal des souffrances qui m'ont été épargnées. Oui, François-Georges. Juste ajouter un mot, bien sûr, il n'a pas été déporté. Et en même temps, c'était un homme qui s'identifiait effectivement facilement aux autres. Mais cela étant, tout de même, il ne faut pas oublier, voici un jeune philosophe qui est célébré, connu, qui est considéré comme le successeur Bergson, et qui se retrouve du jour au lendemain un paria. Au fond de son âme, Ivan Ilitch savait qu'il était en train de mourir. Mais non seulement il ne pouvait s'habituer à cette idée, mais il ne la comprenait pas. Ne pouvait simplement pas du tout la comprendre. L'exemple de syllogisme qu'il avait appris, Caius est un homme, tous les hommes sont mortels, donc Caius est mortel, lui avait paru juste dans sa vie passée, seulement par rapport à Caius, mais jamais par rapport à lui. Ce Caius était un homme en général, et c'était parfaitement juste. Mais lui n'était pas Caius, et pas un homme en général. Il avait toujours été un être tout à fait différent de tous les autres. Il était Vania avec sa maman, son papa, avec Mitya et Valodia, avec ses jouets, avec le cocher, la bonne, et puis avec Katienka. Avec toutes les joies, les chagrins, les fiertés de l'enfance, de l'adolescence, de la jeunesse. Est-ce que Caius connaissait l'odeur de ce ballon de cuir à rayures que Vania aimait tant? Est-ce que Caius baisait ainsi la main de sa mère? Est-ce pour Caius que la jupe plissée en soie de sa mère froufroutait de cette façon? Est-ce lui qui avait protesté à l'école de droit à propos des petits pâtés? Est-ce que Caius avait été amoureux comme lui? Est-ce que Caius savait présider comme lui une séance? Tolstoï, La mort d'Ivan Ilitch. La nouvelle de Tolstoï que Jean Kalevitch adorait, qui est La mort d'Ivan Ilitch, raconte l'histoire d'un juge, un honnête fonctionnaire de l'État russe, Ivan Ilitch, qui s'avise à la faveur d'une blessure un jour qu'il est mortel, non seulement mortel, mais qu'il va surtout mourir. Dans cette nouvelle, il y a la tragédie individuelle de l'homme, Ivan Ilitch, et il y a l'épisode mondain, professionnel, qui bouleverse l'ordre hiérarchique à l'intérieur de l'État et qui vaut à certains d'être promus. Il y a ces deux dimensions de la mort. Est-ce que c'était là le sens de l'intérêt que Jean Kalevitch accordait à la nouvelle de Tolstoï, Pierre-Michel Klein? C'est une nouvelle qui donne beaucoup à penser et qu'il fait intervenir de manière récurrente dans un certain nombre de ses réflexions. Alors, en particulier, déjà, dans un premier temps, on pourrait dire, celui qui va mourir commence à en prendre conscience au moment où il est véritablement indiqué par, tout à coup, quelque chose comme une maladie, une douleur, et puis par un signe du destin. Auparavant, il est dans la continuation. Donc, il y a toujours cette opposition chez Jean Kalevitch entre les intervalles dans lesquels on pense plus ou moins à ce qui est important, et puis les instants qui sont des instants de prise de conscience. Mais évidemment, quand tout à coup le doigt du destin se pointe sur vous, eh bien, vous prenez une conscience instantanément de quelque chose dont vous pouviez avoir connaissance, mais une connaissance abstraite. Ça, c'est une première interprétation. Tout le monde sait qu'il va mourir, ça, il le répétait toujours. C'était une phrase, d'ailleurs, de Jacques Madol. Tout le monde sait qu'il va mourir, mais personne ne le croit vraiment. Je sais que je vais mourir, mais je ne le crois pas. Mais au moment où, tout à coup, le doigt se pointe sur moi, ou bien je lis sur le regard du médecin, dit-il, que quelque chose pourrait bien m'advenir, eh bien là, je comprends que je suis personnellement concerné. Donc il y a toujours cette opposition entre cette connaissance générale que je puis avoir de la mortalité et puis cette destination par laquelle je suis moi-même concerné, cette distinction entre le fait d'être mortel et le fait d'être destiné soi-même à mourir. C'est-à-dire que la mortalité est un concept général, et puis le fait d'être soi-même destiné à mourir, c'est quelque chose dont je prends conscience, parfois instantanément, et dans des moments privilégiés. François-Georges, est-ce qu'on peut dire que la mort s'explique de l'intérieur, mais qu'elle n'est comprise que par le mourant ? Oui, il y a chez Jean Kelevitch une opposition entre savoir et réaliser. On sait que la Shoah a eu lieu, mais Jean Kelevitch lui réalisait que la Shoah avait eu lieu, et ça, on lui en voulait beaucoup. On disait, oh là là, il radote, il vous emmerde avec ses vieilles histoires. Jean Kelevitch, lui, il est du côté du non-savoir. Et c'est comme ça que la mort aussi est un sujet intéressant pour lui, parce que la mort, eh bien, ça correspond tout à fait au je ne sais quoi. Dans la mort d'Ivan Illich, j'en reviens à la nouvelle, il y a d'un côté, c'est très frappant, la mort d'Ivan, et puis de l'autre côté, vu d'un point de vue extérieur, le décès du sieur Golovin, qui est donc son nom. Est-ce qu'on peut retrouver la distinction bergsonienne que Jean Kelevitch aimait beaucoup, puisque c'était son maître, entre le moi social du sieur Golovin et le moi profond, douloureux d'Ivan, Françoise Schwab? Oui, bien sûr, on peut retrouver cette distinction et on peut aussi comprendre que ce qui intéressait et ce qui rendait très proche cette nouvelle de la pensée de Jean Kelevitch, c'est qu'elle illustrait bien sa manière à lui de chercher à rendre le problème de la mort. Il disait toujours, les indices problématisaient quelque chose et au fond, c'est un objet que vous placez devant vous et vous n'y pensez plus. Il disait, faites un gros livre sur la mort et vous n'y penserez pas. Donc, il y a l'objet qu'on place devant lui, c'est-à-dire la mort, qui est quelque chose qu'on va peu objectiver, comme on dirait, et puis la mort ressentie par celui qui va mourir. Et dans cette nouvelle, il y a les deux. Il y a à la fois celui qui ressent les premières affres, et puis l'autre qui observe ce qui va se passer en lui. Il a collé souvent à ce texte d'autres textes russes, comme le récit des sept pendus, qui avait été... De Léonid Andreïev. De Andreïev, texte d'ailleurs dédié à Tolstoï, et dans lequel chaque nouvelle racontait de façon différente, l'une c'est celle d'un condamné à mort, l'autre celle du pauvre Jansson, chaque nouvelle montrait l'expérience d'un être différent au moment où le passage arrive. Il disait, par exemple, Jansson, il est dans un train, il va mourir, il va de wagon en wagon en wagon, et à un moment, il arrive, il n'y a plus de wagon. Et dans chacun de ces textes qu'il aimait tant, et qui sont peut-être par hasard, mais je ne le crois pas, russes, il touchait du doigt, en fait, le moment où la limite pouvait être atteinte, et où le héros en avait une préscience, mais non pas une connaissance, puisque, bien sûr, c'est l'impensable. Je continue ma lecture d'hier, et je rappelle qu'on conduit les sept pendus sur les lieux de la potence, dans un chemin de fer branque-ballant, dans la nuit de printemps, et Andreïev parle maintenant d'un condamné que vous avez peut-être oublié, qui est Vassili Kachirine, qui tremble de peur, et qu'on installe dans le wagon. Et continuant à trembler, il entra dans le wagon, et s'assit dans un coin. Werner se pencha vers Moussia et lui demanda à voix basse, en désignant Vassili du regard, « Eh bien, comment va-t-il »« Mal, » répondit Moussia, en chuchotant, « il est déjà mort. »« Dis-moi, Werner, y a-t-il vraiment une mort ?»« Je ne sais pas, Moussia, mais je crois que non, » répondit Werner d'un ton grave et pensif. C'est la fin de la mort d'Ivan Illich, de Tolstoï. Il n'y a pas de mort, la mort n'existe pas. C'est ce que je pensais. J'ai souffert à cause de lui dans la voiture. Il me semblait que je voyageais à côté d'un mort. Je ne sais pas, Moussia. Peut-être la mort existe-t-elle encore pour quelques-uns. Plus tard, elle n'existera plus du tout. Pour moi, par exemple, la mort a existé. Mais maintenant, elle n'existe plus. Au fond, il était tenté de dire qu'il n'y avait rien de plus profond que la palissade. Un instant avant sa mort, Monsieur de la Palisse était encore en vie. Au fond, pour lui, le mystère de la mort se résumait en cette formule. On ne meurt jamais, sauf qu'on meurt quand même. Est-ce que les oxymores, d'ailleurs, de objectivité subjective ou loi individuelle vous semblent correspondre à la définition qu'il donnait de la mort, Pierre-Michel Klein ? Tout à fait, ce sont des oppositions qui sont justement des contradictions qui font partie de notre finitude. Il appelait cette finitude, au fond, l'intermédiarité, le fait qu'on est... Et il pensait de manière un peu pascalienne, ceci. C'est-à-dire, nous sommes un roseau pensant, aussi faible qu'un roseau, n'importe quel être naturel qui peut mourir, un animal, un végétal, mais en même temps, nous pensons. Alors, nous avons aussi la pensée de la mort qui nous attend. Et en tant que nous pensons, eh bien, nous sommes quand même supérieurs à ceux qui ne pensent pas à leur propre disparition. Et donc, en tant qu'être intermédiaire, nous avons aussi la conscience à la fois de notre finitude, mais on pourrait dire organique, et en même temps de notre sorte de destinée étrange, à savoir que nous avons la conscience de cette finitude organique, à savoir tout simplement que nous avons dans la douleur la conscience de notre douleur, et puis dans la mort, en tout cas dans l'attente de la mort, la préscience de cette possibilité, on pourrait dire nécessaire. Bon, l'impossible nécessaire va nous arriver. Alors c'est ça qui est notre finitude, mais une finitude très très exactement humaine. Très exactement humaine, c'est à savoir, nous le savons et en même temps, nous n'y échapperons pas. Mais d'un autre côté, le fait que nous le savons n'est pas rien. Voilà. C'est-à-dire que ça, c'est toute la troisième partie du livre sur la mort. Dans sa troisième partie, il essaye de penser après la mort, à partir justement, en particulier dans le chapitre 3 de cette troisième partie, le fait que nous le sachions n'est pas rien dans notre appréhension de ce que serait la mort. C'est-à-dire, si on était simplement dans une pensée strictement matérialiste, par exemple celle d'Épicure qui dirait, ou de Lucrèce qui dirait, à partir du moment où la matière et le cerveau disparaissent dans son organisation, eh bien il n'y a plus de pensée. Bon, donc si on était totalement matérialiste, tout s'arrête, et même toute une philosophie de la mort s'arrête. Il n'y a pas à dire quelque chose de plus. Jean Kelevitch écrit très très très longuement, en allant au-delà de cette pensée qui serait celle du matérialisme, en disant « Oui, c'est vrai, nous sommes enracinés dans notre corps et évidemment, nous sommes indissociables de notre corps et donc des conditions par lesquelles notre mort va survenir de par les conditions de notre corps. Mais il est vrai aussi que nous sommes des êtres pensants. Et le fait que nous sommes des êtres pensants ajoute une complication à la réflexion que nous avons sur la mort. Et que cette complication doit être pensée de manière aussi égale que celle que le matérialisme met en avant quand il dit « à partir du moment où le corps ne fonctionne plus, le cerveau ne fonctionne plus ». Par conséquent, toute la pensée de Jean Kelevitch consiste tout de même à mettre d'une certaine manière à part égale un matérialisme qui considérerait que le corps suffit pour penser la mort et que la pensée n'est qu'un effet de la mort et par conséquent quand le corps ne fonctionne plus, la pensée ne fonctionne plus. Et d'un autre côté, le fait que la pensée pense et est autre chose que le corps, que par conséquent il faut aussi penser de manière égale que le fait de penser sa mort nous engage dans une autre réflexion sur notre destinée. Mais c'est une problématique typiquement, pardon, mais elle fait un peu d'histoire des idées, mais c'est une problématique typiquement pascalienne, puisque oui, Pascal dit... Il se réfère à Pascal. C'est ça, il se réfère à Pascal. Ah, enfin, Pascal dit on mourra seul, mais en même temps, il dit justement l'homme a cette infinie supériorité qu'il est sur l'animal, qu'il est conscient de ça. François Schwab. Il sait qu'il va mourir. Jean Kelevitch disait d'ailleurs que c'est la mort qui donne son sens à la vie. Et il faisait même une extension sur l'aventure, en disant de façon ironique, on ne court pas une aventure s'il n'y a pas le risque mortel, parce que toute aventure est bordée et limitée par le risque de la mort, sinon c'est une galéjade. Eh bien, ce qui donne un sens à notre vie, c'est qu'elle est bornée par la mort. Et c'est là que l'on pourrait ajouter que la philosophie, le livre sur la mort de Jean Kelevitch est un livre sur la vie, tout à fait dans la perspective de l'élan vital bergsonien. Et il disait d'ailleurs que la vie prend un sens à partir de la mort et que la présence de la mort donne à la vie son rythme passionnel. Ma tonicité de la vie, disait-il, prend ses racines dans le non-être. En dehors de la foi religieuse, le mystère serait parfaitement obscur. Donc, on peut dire qu'à ce moment-là, que Jean Kelevitch va maintenant, dans son livre sur la mort, nous expliquer qu'il est, comme au temps de sa jeunesse, vitaliste. Bergson n'était pas un philosophe tragique. Ça n'est pas un philosophe de la mort, ça n'est pas un philosophe du mal, ça n'est pas un philosophe du néant. et il ne donnait pas la pâture attendue à cette pensée de 1944. C'était une philosophie de l'affirmation positive, mais en cela même, il rejoint des préoccupations toutes modernes, toutes contemporaines. Bergson n'est pas le philosophe de la négation. Bergson n'est pas le philosophe de la fuite hors du monde, mais au contraire, le bergsonisme est une philosophie de l'enracinement en ce monde, de l'implantation dans ce monde, une philosophie affirmative, et sur tous les points. Il pensait que la mort peut être surmontée, d'ailleurs ce problème ne l'intéressait pas, et même en ce sens, je suis beaucoup moins moderne que lui, parce que j'ai passé beaucoup de temps à étudier la mort, et Bergson ne s'y intéressait pas. Chaque fois qu'il a eu l'occasion, il a dit que la mort pouvait être surmontée, qu'elle n'était rien, que ce n'était pas un problème philosophique pour lui. De même pour le mal, de même pour le néant, pour le non-être, tout ce qui est négatif, tout ce qui est ténèbre, tout ce qui est moi, tout ce qui est en moi, n'était pas la chose de sa pensée. Et lui-même a critiqué très sévèrement les néoplatoniciens, Plotin, déserteurs du monde, qui ne parlent que de fuir, hors de ce monde. En quoi est-il donc sur ce point, en quoi ne rejoint-il pas nos préoccupations? Bien au contraire, c'est le philosophe de la vie. François Georges. Oui, effectivement, la mort et la vie, bon, ce sont les deux faces de la même médaille. Par exemple, Jankélévitch disait le Mont Blanc s'use et il ne meurt pas. Samuel Jankélévitch, le père de Vladimir, était un médecin qui avait été très marqué par le courant vitaliste de l'époque. Ouais. Et il avait même une théorie sur le cancer. Oui, et effectivement, le vitalisme, en fait, scientifiquement, ne mène pas loin. Ça consiste à dire, il y a un principe vital. Bon, vous pouvez toujours expliquer, mais vous n'arriverez jamais à ce principe. Et bon, tout simplement pour dire, donc, ce principe vital, c'est encore une fois le je ne sais quoi. La vie n'est la vie que parce qu'elle doit se terminer. Si la vie n'était pas destinée à se terminer, elle ne serait pas non plus la vie. Donc la mort n'est pas le contraire de la vie, elle fait partie de la vie, elle en est un élément essentiel. C'est comme pour tout le monde, c'est le problème de tout le monde, il appartient à tout le monde, il n'est la propriété de personne, surtout pas tellement des médecins. Mon père était médecin et il voyait des malades. Je ne dis pas qu'il les faisait mourir, enfin il les voyait, il voyait mourir des gens. Et il avait une expérience clinique, n'est-ce pas, de la mort, et il voulait faire un livre sur la mort. Il voulait le faire surtout d'après le roman russe, d'après Tolstoï. Et il m'a laissé, j'ai des notes de lui, dont je me suis servi. Donc tout ce qu'il y a de bien dans mon livre vient certainement de lui. Est-ce qu'on peut dire que, de façon générale, la mort n'est pas faite pour qu'on la pense? C'est ce qu'il disait, c'est l'impensable. Mais néanmoins, j'ai écrit un gros bouquin pour parler autour de la mort et parler de la vie. L'existence finie n'est-elle pas une espèce de paradoxologie continuée? C'est ce rapport invivable qui est la vie. Ce rapport fait de l'homme un être attiré, repoussé, et par conséquent déchiré, écartelé, passionnel. Par l'effet du rapport ambivalent que l'âme entretient avec l'organe obstacle du corps, l'existence sera une continuation aventureuse, sans cesse menacée, sans cesse reconduite, de péril en péril, sans cesse rebondissant d'instant en instant. Et pourtant, cette continuation indécise, inconfortable et si périlleuse, forme au total une existence viable. La continuation de l'existence tient par le mouvement, c'est-à-dire tombe en avant, comme le cycliste. Ce n'est donc pas une continuation de tout repos. Vaille que vaille, Caïn Caïa, le vivant préserve son équilibre instable entre les contradictoires. Cela s'appelle une vie. Mort continuée, qui est une vie continuée, sauvée du néant à chaque minute. Et ceci in extremis. Telle est la vie de l'homme, partagée entre le radotage des répétitions qui la dessèche et ces instants bénis qui la propulsent par à coup et fugitivement la raniment, pour aussitôt l'abandonner à sa torpeur. François-Georges, la mort chez Jankélévitch, on a le sentiment qu'il la pense comme il pense, par exemple, la vue. Il dit que Ce qui permet de voir, les yeux, est également ce qui empêche de voir. C'est grâce à nos yeux que nous voyons le monde, mais c'est à cause de nos yeux qu'on ne peut pas voir ce qui se passe dans notre dos. Est-ce que la mort, comme les yeux, peut être interprétée comme un organe obstacle ? Oui, c'est une notion en fait qui ne se trouve qu'implicitement chez Bergson, et il a là accompli ce qui dans le texte de Bergson n'est qu'une virtualité, donc organe obstacle, mais aussi bien l'obstacle qui devient organe. Par exemple, la mort, qui est quand même le sujet funèbre par excellence, lui offre parfois matière à plaisanterie. Il évoque, c'est un des sens majeurs, de l'homme qui est foudroyé par une apoplexie en plein cocktail. C'est absolument indécent de s'effondrer parmi les petits fours. Il faut situer que la réflexion sur l'organe obstacle intervient dans la première partie du livre sur la mort, à savoir la mort avant la mort. Et donc, effectivement, la mort, en tant qu'à l'intérieur de la vie, eh bien, elle vient constituer comme tragique, quelquefois, quelques moments qu'on peut vivre en se disant que ce sont les premières fois qu'on les vit et puis que c'est la dernière fois qu'on les vit. C'est-à-dire que la mort et le temps avant la mort sont complètement liés, puisque le fait qu'on sache que l'on vieillit, que le temps passe, que les souvenirs s'accumulent, que les projets commencent à devenir problématiques parce que le temps presse, et bien le fait que le temps presse, tout ça va constituer une sorte d'unicité des moments que l'on vit. Et cette unicité est d'autant plus dramatisée et d'autant plus propre à être prise en conscience qu'il y a une limite et que nous pressentons cette limite. Ça, c'est une première chose. Pourquoi la mort est un organe obstacle, c'est de dire que c'est la manière, c'est une limite qui va nous empêcher d'exister, mais en même temps, c'est une limite à partir de laquelle les moments de l'existence prennent une dimension beaucoup plus profonde et peut-être quelquefois, dans certains instants, beaucoup plus unique, comme d'ailleurs tous les temps que nous vivons, tous les instants que nous vivons peuvent être uniques, mais nous ne les vivons pas toujours comme ça. Donc la mort, d'une certaine manière, à la fois permet et empêche l'approfondissement des plaisirs que nous avons, des moments qui sont des moments de joie dont nous savons qu'ils sont éphémères. Par conséquent, la mort est le moyen de rendre unique ce que nous vivons. Et en même temps, cette unicité, nous la vivons comme une tragédie puisque ça ne se répétera jamais. Donc la mort est le moyen par lequel, donc l'organe, le moyen par lequel quelque chose que l'on vit prend toute sa dimension d'unicité, d'apax, il appelle ça un apax, c'est-à-dire ce qui est vécu pour la première et pour la dernière fois. S'il n'y avait pas la mort, il n'y aurait pas de première et de dernière fois. Or, l'unicité de tout ce que nous vivons n'est unique que parce que la mort fait que c'est la première et la dernière fois. À force de se mortifier tous les jours et de jour en jour, eh bien, on finit par mourir. La chandelle finit par s'éteindre. Finit par s'éteindre peu à peu. C'est de cette manière que, peu à peu, nous arriverions à consommer le donné. La mort serait, en ce cas, simplement la cessation d'être. Un événement purement négatif, qui ne ferait que sanctionner, que consacrer l'extinction définitive de la flamme de la vie. Or, déjà, la mort apparaît comme bien autre chose. La mort n'est pas simplement l'extinction et la consomption d'un être qui peu à peu s'éteint, mais elle est un événement positif. La mort n'est pas simplement la fin de la vie. Pourtant, M. de la Palice disait quelque chose comme ça, que la mort est simplement la cessation de l'être qui est taillée sur le rebord du non-être. La mort n'est pas la fin de la vie, mais la mort est un événement positif. Et un instant qui est plein de sens et qui advient comme un événement qui a son sens propre. Tout ce que je fais, je le fais pour la première fois. Chaque fois que je fais mon cours, je le fais pour la première fois. Et en même temps, pour la dernière fois, c'est la première dernière fois. Toutes les fois sont les premières dernières fois, si vous voulez. Et j'appelle ça, d'un mot un peu pédant, mais enfin c'est plus rapide à dire, prime ultime. Alors je crois que tout le monde peut le comprendre, premier, ultime, n'est-ce pas ? C'est donc un mot qui a l'air rébarbatif, mais qui est facile à comprendre. C'est pour ne pas dire à la fois première et dernière. Toute fois est première et dernière. Chaque fois est première et dernière. Donc, à la bonne heure, il y a du pain sur la planche, il y a encore de beaux jours, je verrai des choses innombrables, enfin, il fait bon vivre. Les instants bénis ne sont bénis que par la malédiction de la mort. Et donc la mort est à la fin. Et par notre aptitude aussi à en apprécier la qualité. Très étrangement, cette malédiction n'est pas une bénédiction, parce que ça, il ne le dira jamais. Ce n'est pas une bénédiction. C'est donc une espèce, il appelle ça organoctaque pour reprendre le terme de Bergson. Il dit que c'est un moyen qui est en même temps une limite, donc il faut bien une limite. Et il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais enfin, pensons à ceci, que ce qui fait la valeur de notre vie, c'est aussi son unicité. Et ce qui fait son unicité, c'est aussi sa limite. J'aimerais pouvoir croire à la thalagénèse, vous voyez, j'arrive pas à y croire, mais j'aimerais pouvoir y croire, ça me satisferait beaucoup de pouvoir renaître sous une autre forme. Mais ce n'est pas du tout ça que j'ai dit, ce n'est pas une étape, c'est le message éternel qui n'arrive... Enfin, cette chose, je ne sais pas si vous y pensez, qui est vraiment extraordinaire, c'est d'avoir vécu une fois, une chose qui n'arrive qu'une fois dans toute l'éternité. Vous, moi, ça ne m'est pas personnel à moi, chacun de nous est quelque chose d'extraordinaire, qui n'apparaît qu'une fois dans toute l'histoire du monde... Il n'y en a qu'un comme vous, il n'y en a qu'un comme moi, et un dans toute l'éternité. Et ça n'arrivera plus jamais. Comprenez-vous ce que ça signifie, ces deux mots, plus jamais, plus jamais. Chimère pour chimère, la croyance à la résurrection de l'être psychosomatique, c'est-à-dire de la personne tout entière, est peut-être en un sens... plus philosophique que la croyance à la survie de l'âme immortelle. La première croyance honore mieux le sérieux du corps, rend mieux compte de ce rapport contradictoire en vertu duquel l'homme n'accède à la lumière qu'entravé par la médiation des moyens. Par palingénèse, ici, Jean Kelevitch entend le processus qui s'applique à la destruction d'un individu et à la formation d'un individu nouveau, tout à fait différent du précédent. Cet aveu, j'aimerais pouvoir croire en la palingénèse, qui n'est pas, pardon d'être cuiste, la métempsychose, c'est-à-dire qui n'est pas la transsubstantiation d'une âme dans un autre corps, mais qui est véritablement qui désigne la façon dont la substance vivante se modifie et s'incarne dans des individus différents. Est-ce que la palingénèse, justement, ne représente pas ce moment où ce juste milieu entre l'anéantissement, qui lui était une perspective insupportable, et la transcendance, un paradis, un au-delà, auquel il ne croyait pas, François Georges? À propos du texte qu'on vient d'entendre, je me souviens de Jean Kelevitch qui prenait plaisir à parodier Spinoza et qui disait « Je vous présente à personne une vérité éternelle qui va mourir ». Mais en même temps, ce qui a eu lieu, pour le meilleur et pour le pire. Auschwitz a eu lieu, et bon, on peut détruire toutes les traces, ça n'empêchera pas le fait d'avoir existé. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est maintenant gravé à sa porte, un quai aux fleurs, celui qui a vécu, il a une sorte de viatique pour l'éternité, parce que le fait d'avoir été est ineffaçable. La première fois est également la dernière, le professeur qui fait sa dernière classe, il l'a fait pour la première fois. Et ça l'angoissait, d'ailleurs, c'est bien pour ça que je n'ai pas voulu y assister. Il était toujours angoissé. Il était toujours angoissé. Il avait le trac, il le disait à chacun de ses cours. Oui, mais spécialement pour la dernière fois. J'ai évité le dernier cours. Oui, le dernier cours. Était aussi le premier dernier cours. Voilà. D'accord, mais enfin bon, ça ne le consolait pas. Et à part ça, oui, il avait le trac avant tous ses cours parce qu'il faisait ses cours. Comme un artiste, une des sans raisons filet. Pour lesquelles il disait qu'il n'aurait pas pu faire une carrière de pianiste, qu'il avait trop le trac. Mais il avait le trac également comme professeur, et jusque dans ses dernières années, alors que bon, les autres, ils n'ont plus le trac, ils sont blasés, ils répètent toujours la même chose. Tandis que lui, chaque cours était une improvisation. Enfin, bien sûr, sur un canevas. Avec avec des dérapages contrôlés extraordinaires. Bon, je me souviens que les copains, d'ailleurs souvent, n'en revenaient pas quand ils s'interrogeaient brusquement, par exemple, sur la vitesse de Dieu en plein vol. Il levait le Vésuve qui fume son cigare. En sage-femme. Oui, il avait toujours le trac, mais il le disait au début, quand j'étais jeune, je faisais semblant d'arriver les mains dans les poches sans avoir rien préparé. C'était un petit genre que je me donnais. Mais par la suite, à la Sorbonne, son cours était préparé très soigneusement. Bon, mais il n'empêche que c'était un canevas et il improvisait librement. Il notait pendant son cours, soit avec un petit crayon, les improvisations, parce que là, il faut souligner que ses cours étaient la base de ses livres. Chaque cours donnait en principe lieu à un livre deux ans plus tard. Et ce côté un peu angoissé, pas un peu, terriblement angoissé, nous ramène à ce que l'on disait sur la mort. Il disait toujours, notre angoisse fondamentale nous ramène à notre peur fondamentale nous ramène à notre destin fondamental. C'est-à-dire que, quoi qu'on fasse, on est ramené et on bute sur cette fin ultime. Il avait pour cela une attitude très positive. C'était un philosophe de l'action. Et il disait, penser la mort nous permet simplement de dire que puisqu'il n'y a rien à penser dans la mort, c'est l'action qui doit être la manière d'illustrer notre vie avant qu'elle nous soit ôtée. La surnaturalité de notre existence, parce qu'au fond c'est un fait surnaturel. Un être arrive, fait une petite balade dans l'entre-deux, puis disparaît. Tout ça est un profond mystère. Et de ce mystère, il concluait que pour ne pas désespérer, et comme il ne croyait pas à l'anéantissement, c'était le fait d'avoir été qui justifiait une existence d'homme. Ce fait d'avoir été, c'est lorsqu'une vie est bien remplie. Ce n'est pas seulement le passage seul sur la terre, si ce n'est qu'on peut dire la même chose d'un bébé qui meurt à 3 jours. Il a été, il a vécu. C'est au fond, n'étant pas religieux, c'est sa manière à lui de penser que notre passage n'a pas été un passage vain. C'est le fait d'avoir été. Le texte qui se trouve sur la plaque du Cléofleur met l'accent sur cela. Il y a quand même dans la philosophie de Jankélévitch et dans sa manière de vivre, en fait, puisque c'est presque synonyme, il y a deux dimensions. D'abord, une extrême pesanteur qui est tout simplement le fait que le rappel tautologique du fait que ce qui a été n'a pas pu ne pas être. Et qu'on ne pourra pas faire que ce qui... C'est l'irrévocable. Que ce qui a eu lieu n'ait pas eu lieu. Mais en même temps, cette extrême pesanteur est l'occasion, justement, d'une extrême légèreté, c'est-à-dire d'un sens de l'occasion. Il se décrit lui-même dans quelque part dans l'inachevé, il parle de la fée occasion. Il dit lui-même que quand il a une idée qui lui vient, il essaie de la noter, de l'attraper au vol, justement. Il rejoint Gracian en cela, il disait Gracian, qu'il aimait beaucoup, il disait il faut traverser la vaste carrière du temps pour arriver au centre de l'occasion. Et je pense que tout ce développement sur l'occasion qu'il a bien complété dans la deuxième édition du Je ne sais quoi et du Presque rien, puisqu'il en a fait un de ses tomes, il doit tous ses développements à Gracian. Il était très proche de cette pensée, de ce philosophe, de ce jésuite, et qui pourtant, comme il le disait, ne l'était pas tellement, mais qui avait un esprit de finesse très développé et qui lui a donné un petit peu le désir d'approfondir le kairos, le moment bienheureux, le moment béni, la rencontre, tout ce qu'il faut saisir. L'occasion. Parce que justement, la mort borne notre vie et que nous devons... il terminait très souvent ses livres en disant « saisissons le moment présent parce que tout cela est éphémère ». C'était un grand thème qui n'est pas un thème nostalgique, qui est un thème positif, c'est-à-dire vivons intensément cette vie puisque nous n'en avons qu'une. En somme, nous sommes les artisans de l'occasion qu'il faut saisir, François Georges. Oui, alors là, je dirais aussi une chose en rapport à ce que François Schwab disait tout à l'heure. Bon, bien sûr, ces cours constituaient la matière de livre, mais ça n'a pas été automatique. Et alors vraiment, justement, le cours était toujours quelque chose d'unique. En plus, bon, y avait des choses qui étaient quand même irrattrapables par écrit et qui étaient drôles dans l'instant et parce qu'il tenait son auditoire en haleine. Et je me souviens de quelque chose qu'il n'aurait pas pu écrire, mais qui venait très bien dans l'ambiance. C'était une description de la joie. Alors j'ai oublié le détail, mais ça se terminait par « et on embrasse les agents de police ». Et alors, à part ça, quelque chose de moins drôle. Et il y a deux textes qui sont symétriques, l'un dans la mort et l'autre dans l'irréversible et la nostalgie. L'enfant supplicié d'Auschwitz. Voilà. Je l'ai, ce texte. La petite fille morte à Auschwitz. Oui, il faut le lire. Il faut que je le retrouve. Alors, un instant, je vais le trouver, je l'ai. Et il y a cette idée qui, au fond, est impondérable, que l'histoire humaine n'aurait pas été ce qu'elle est, si cette petite fille n'avait pas existé, ou n'avait pas connu ce destin. Moi, j'y pense souvent, je vais de temps en temps au musée de l'Ordre de la Libération, et il y a une petite fille qui sert son nounours, là, qui est en uniforme de déporté. Et je pense toujours à cette évocation de Jankélévitch, dont on ne veut pas dire que ce soit une consolation. Cet avoir été est comme le fantôme d'une petite fille inconnue, suppliciée et anéantie à Auschwitz. Un monde où le bref passage de cet enfant sur la terre a eu lieu diffère désormais irréductiblement et pour toujours d'un monde où il n'aurait pas eu lieu. La mort, page 421. Sans doute, la pensée de cet événement surnaturel est-elle une pensée contre nature? Sans doute, la fascination du néant est-elle une complication un peu morbide? L'indiscret qui creuse l'être pour y trouver je ne sais quelle dimension de profondeur va, semble-t-il, contre l'intention de la nature, qui est de nous soustraire notre faim en nous empêchant d'y penser, en la rendant insensible et invisible. Le secret est soigneusement gardé, hermétiquement scellé, profondément enterré, et il est probablement sage de ne pas chercher à connaître cet inconnaissable. Tout se passe comme si la nature elle-même nous détournait d'une connaissance éminemment contraire au dessein de la vie, de l'espèce et de la société, ainsi qu'aux nécessités de l'action. Effectivement, quelque chose nous empêche de prendre conscience des battements du cœur et des rythmes de la respiration. Qu'avez-vous fait ? Vous allez la tuer ? Je l'ai déjà tuée ! Devant un mort, nous observons le silence. Voilà quelqu'un qui n'est plus. Quelqu'un qui semble conserver encore la forme humaine, mais en apparence seulement. Qui semble tout prêt à parler, mais ne parle pas. Qui a l'air d'entendre, mais n'entend pas. Qu'on est sur le point d'appeler, mais qui ne répondra pas. Nous nous adressons à quelqu'un qui n'est personne. Et nous restons en suspens devant l'ambiguïté de cette présence absente. Et nous nous taisons, comme le mort lui-même, en attendant un signe qu'il paraît sur le point de nous faire, mais ne fera jamais. Pris de panique, le vivant finit par entendre sa propre respiration, les battements de son cœur, la circulation du sang dans les artères. Dans ces deux textes que nous venons d'entendre, très frappant de voir le passage de l'idée que la pensée de la mort est une pensée contre nature et qu'en somme tout est fait dans la vie pour que nous n'entendions pas, que nous ne prenions pas conscience des battements du cœur, de notre cœur, c'est-à-dire d'un cœur destiné à s'arrêter, et en même temps que devant le spectacle d'un mort, eh bien nous observons le silence et lui-même nous renvoie à un tel silence. Ce silence est tel qu'en définitive, un peu comme un silence musical, qu'en définitive, par le silence, nous sommes rendus à nous-mêmes et nous entendons de nouveau la circulation du sang dans les artères. Autrement dit, Jankélévitch dit souvent « la mort n'est pas l'affaire des vivants », mais elle l'est quand même, et elle l'est même au premier chef. J'ai ajouté à ce que vous dites, mais quant au mort, lui, il est retiré des affaires. Il stigmatisait toutes les conduites religieuses qui ont lieu autour de la mort, puisque de la mort, il... De l'homme, il n'y a rien à dire. François Jarre. Eh bien, je contesterai ce que vient de dire François Schwab, qui vient de citer Jankélévitch lui-même, et je dirais, quant aux morts, il n'est pas nécessairement retiré de toutes les affaires, parce que, quand il y a eu l'enterrement de Jankélévitch à Châtenay-Malabry, le cimetière était pris d'une effervescence extraordinaire, Parce que le jour même, le journal Libération, sous l'influence de Robert Maggiori, avait publié une interview qui avait fait scandale, où Jankélévitch disait, il faut dire, du mal de ses collègues pour leur attitude pendant l'occupation. Moi, le jour de la mort de Jankélévitch, j'ai publié une nécrologie, un hommage. Robert Maggiori. D'ailleurs, l'un des rares que j'ai fait en pleurant, quoi. Parce que c'est pas seulement un journaliste qui salue la disparition d'un philosophe, c'est que c'était aussi un homme qui saluait la disparition d'un homme auquel il tenait beaucoup, qu'il aimait. Et par conséquent, j'ai fait un article, je crois, assez senti, assez mouvant même, je crois. C'était pas seulement un journaliste donc qui saluait la disparition d'un des grands penseurs de ce temps, mais c'était aussi un homme qui saluait celle d'un autre homme qu'il aimait et qui avait été son maître. Donc ces articles que j'ai publiés, j'ai eu par eux les remerciements aussi bien de sa fille, de la fille de Jankélévitch que de son épouse. Mais c'est le surlendemain, le jour de l'enterrement, que j'ai cru devoir publier un entretien que Jankélévitch m'avait accordé. Et donc j'ai publié ce texte où il disait que Sartre n'avait pas compris, n'avait pas fait la résistance, que Merleau-Ponty non plus, que Merleau-Ponty avait effectivement chercher surtout à finir son livre, et voilà, et ça a fait naturellement un grand scandale. Moi je l'ai publié par un souci de vérité, et d'autre part parce que je crois que Jankélévitch a beaucoup souffert de cela, c'est-à-dire, il ne faut pas oublier maintenant, Jankélévitch est quelqu'un qui est naturellement situé dans le panthéon des philosophes. Pendant longtemps il était extrêmement oublié, solitaire, hein, après la guerre. À part ses étudiants qui naturellement étaient tous enchantés d'avoir un tel professeur, il n'avait pas de reconnaissance publique. Donc j'ai publié ça et ça a provoqué un grand scandale de la part aussi bien de la famille de Jankélévitch que des Jankélévitchiens, que des proches évidemment aussi de Merleau-Ponty. Ce qui a eu lieu ensuite, c'est qu'un certain nombre d'autres documents, suite au débat qui a eu lieu, ont montré que Jankélévitch avait raison sur le fait, enfin, que Sartre, par exemple, avait reconnu lui-même dans une lettre à Simone de Beauvoir ou l'inverse, je ne me souviens plus, qu'il n'avait pas compris le sens de la résistance, donc il n'avait pas résisté. C'est pour ça qu'ils sont devenus, par compensation, peut-être les philosophes de l'engagement. Et je dois dire que... Bon, Guida Dreyfus était resté à la maison pour écrire les lettres de protestation. Il n'était pas venu au cimetière. Laissons tomber ce scandale, mais... Pour moi, ça a été quasiment un tournant de ma vie, parce que c'est à partir de là... Un tourment aussi. Oui, beaucoup plus intéressé à la résistance, qui pour moi, bon, bah, c'était une page tournée. Bon. Or, c'est à partir de là, de ce scandale, que je me retrouve maintenant secrétaire d'une association d'anciens résistants. Et aussi, donc, il y a de très belles pages dans le Je ne sais quoi, le presque rien, sur la chirurgie du scandale la fable de la ville qui ne pouvait continuer qu'à condition de rester latente et tacite. Et un jour, il y a le buteur qui casse ce compromis. Oh, je veux pas du tout dire que Robert Maggiori soit un buteur. C'est un entretien qui remontait assez loin dans l'idée. Il y a très très longtemps, Vladimir Jankélévitch a fait une émission, la célèbre émission Apostrophe, avec Bernard Pivot, et il avait dit ce qu'il disait toujours, enfin, à ses amis, qu'il avait cessé de parler allemand et qu'il ne voulait même pas parler à des jeunes Allemands, ce qui avait provoqué pas mal de remous. Je me souviens, moi, dans mes propres classes, mes élèves ne comprenaient pas comment on pouvait dire une chose pareille. Et on a eu l'idée, comme ça, en discutant, parce que j'allais le voir assez souvent, de refaire une préface au Pardonné. Et il voulait que, effectivement, je puisse discuter avec lui pour faire cette préface. Il considérait que j'étais assez bien placé, j'avais pas fait la guerre, j'avais pas eu de victime, j'étais pas juif, j'avais pas été du côté non plus des bourgs, heureusement. Et par conséquent, on a commencé des entretiens. Au cours de ces entretiens, qu'il destinait à Libération, ben, il a commencé à parler de ce qui lui tenait à cœur, quoi, c'est-à-dire de cette espèce d'usurpation générale des rôles après la guerre, c'est-à-dire le fait que ceux qui n'avaient pas résisté, qui n'avaient pas compris, je pense, le sens de la résistance, devenaient les philosophes de l'engagement et les philosophes de la résistance. Il citait beaucoup de personnes, dont je ne citerai pas les noms, mais il citait aussi Sartre et Merleau-Ponty. Il m'avait dit naturellement que je ne devais pas citer les noms des personnes vivantes, ce que naturellement j'ai fait. quand on publie un article dans un journal, ensuite il y a toujours la question des titres, des sous-titres dont le journaliste n'est pas responsable. Un des sous-titres était violent, puisqu'il parlait des singes, les singes de la Sorbonne, effectivement, qui lisent Heidegger. Oui, c'est violent, mais c'était pas tellement faux quand même. Je veux dire que aujourd'hui, la question Heidegger est une question qui a été traitée, qui a été mise sur la place publique. Dans la période où Jankélévitch enseignait, où il a publié ses livres, après la mise à l'écart d'Heidegger par la commission présidée par Jaspers, donc dans l'immédiate après-guerre, une fois cette période passée, Heidegger est revenu totalement pur et blanc dans le paysage philosophique. La question de l'appartenance d'Heidegger au nazisme a été effectivement, même si elle avait déjà fait l'objet de débats, notamment dans l'État moderne, n'a vraiment rebondi au niveau mondial, si je puis dire, que par la publication du livre de Victor Farias, Heidegger et le nazisme. Si bien que dans la période entre, disons, le début, les années, disons, 52-53 et 88, Heidegger est devenu l'étoile de référence de la philosophie, en oubliant quand même son enracinement dans un terreau plutôt brun, quoi. Ce qui n'enlève rien à ses qualités de philosophe, mais qui pose un problème. C'est-à-dire, Jankélévitch disait toujours en cours et même dans les conversations privées, n'écoutez pas ce que je dis, regardez ce que je fais, en citant effectivement Bergson. Il trouvait un petit peu dommage qu'on oubliât ce que effectivement Heidegger avait fait. Par conséquent, il y avait pour lui un sens un peu de rétablissement d'une justice, quoi. C'était pas innocent, effectivement, de faire que dans l'après-guerre, on fasse de Heidegger la référence, effectivement, obligée de la philosophie, en oubliant l'arrière-fond, effectivement, politique et ce qu'il avait fait dans l'année 1933. Et effectivement, il avait laissé ce texte un petit peu, c'était quand même un peu une bouteille à la mer. Il n'avait pas accepté la publication. Le destin de ce texte est assez étrange. Mais un petit mot aussi, donc, c'est que Jankélévitch, quand il parle de la mort en même temps, il ne néglige pas donc toujours d'avoir ce ton ironique. Et par exemple, il y a une belle métaphore quand il dit « la mort est un cambrioleur ». Ah, ouais. Qui subtilise un vivant à la barre de l'entourage. Et tous les policiers en restent pantois. C'est une citation d'ailleurs que François a certainement dans sa réserve. Pierre-Michel Klein. Sur cet instant de la mort lui-même, c'est-à-dire le mystère de l'instant de la mort. Jankélévitch a écrit toute la deuxième partie de son livre sur la mort, qui est une réflexion très très pointue, très très précise, rigoureuse, en même temps qu'évidemment impossible, et en même temps tout de même toujours effectué, c'est la deuxième partie du livre sur la mort, sur l'instant de la mort. Et cet instant de la mort, il y a quelque chose à en dire du point de vue de la philosophie de Vladimir Jankélévitch. Il ne faut quand même pas oublier que depuis 1938, jusqu'à son cours sur la mort à la fin des années 50, jusqu'à la publication dans les années 60 du livre sur la mort, en passant par les réflexions et les discussions qu'il a eues avec son père, c'est la mort en elle-même que Jankélévitch essayait quand même de saisir. La mort en elle-même, c'est quand même cet instant de la mort. Alors cet instant de la mort, c'est l'instant où tout à coup on passe de vie à trépas et où un certain nombre de philosophes, quand même, depuis toujours, ont essayé de poser leurs réflexions. Et alors il s'oppose aux philosophies de l'escamotage et de la tricherie. Alors la philosophie de l'escamotage, c'est par exemple une philosophie du type de celle de Platon dans le Phédon. Alors, on va dire que le pauvre Platon, qui est quand même le plus grand des philosophes, celui qui est à l'origine de la philosophie, est quand même accusé d'escamotage par Jankélévitch, à savoir qu'effectivement, la mort de Socrate, eh bien, on passe tout à coup dans une liminarité, tout à coup, effectivement, il va boire la ciguë, il dit beaucoup de choses aux gens qui sont présents, puis d'un doux à l'instant suivant, il n'est plus là. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre deux? Le fait de mourir, c'est-à-dire le verbe mourir, est escamoté. Il y a effectivement la vie, d'un autre côté il y a la mort, et puis entre les deux il y a un mourir, c'est-à-dire quelque chose qui est de l'ordre d'un instant, mais d'un instant qui est de l'ordre d'un acte, une sorte de verbe. Le verbe, à savoir que quelqu'un ou le sujet meurt. Donc le verbe mourir est un verbe, comme le verbe être d'ailleurs, sur lequel les philosophes pensent beaucoup. Le verbe mourir est un faire, et non pas quelque chose qui n'est pas à penser. Alors, ce mourir lui-même, c'est ce sur quoi s'attache Vladimir. Il ne s'agit pas d'escamoter, comme aussi un autre fait Leibniz, en disant que finalement tout ça, c'était une sorte d'amoindrissement. Alors, c'est ce qu'il appelle la tricherie. Un amoindrissement de l'être qui, à un moment donné, devient quelque chose d'autre sans vraiment que la mort n'intervienne. Donc, soit on coupe, soit on amoindrit. Et dans les deux cas, on triche ou on escamote. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un instant. Et cet instant est un faire. Et très étrangement, ce faire qui est faire, F-A-I-R-E, n'est-ce pas? Le verbe mourir prend tout à coup une importance extrêmement dense et qui constitue toute l'acuité de la pensée de Vladimir Jankélévitch dans la deuxième partie de son livre sur la mort, étant entendu que on peut remarquer que la première partie sur avant la mort est extrêmement étendue, la deuxième partie un tout petit peu moins étendue et puis la troisième partie encore moins étendue, mais que cet instant de mourir est un instant avec toute la philosophie qui est supposée et que je ne développe pas, mais qui est une plénitude et non pas une limite inexistante. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe et qui est l'objet d'un verbe qui s'appelle mourir, même si c'est à l'intérieur du passage par lequel la conscience passe à l'inconscience, mais le passé à l'inconscience est un passé, c'est-à-dire ER, un verbe. Un passage à rien, il disait. Un acte. C'est-à-dire quelque chose qui est de l'ordre de l'acte et non pas de quelque chose qui est de l'ordre de l'être. Alors, il faut aussi rappeler que dans le Phédon, au moment de la mort de Socrate, les dernières paroles de Socrate sont d'aller porter un coq au dieu des médecins. Autrement dit, il faut payer son médecin, car il tient justement la mort pour une guérison. Mourir chez Platon, enfin chez le Socrate de Platon, c'est le royaume des idées. C'est surtout guérir d'une maladie qui est la vie. Soma sema. Donc guérir d'une maladie qui est la vie, c'est-à-dire que la question qui se pose chez Platon, c'est souvent, y a-t-il une vie avant la mort? Or, le problème de Jankélévitch, c'est justement de s'occuper de la vie qui précède l'instant de mourir. François-Georges. Je voulais citer un ami, et qui sans doute ne savait pas qu'il se rapprochait de la pensée de Jankélévitch, telle que Pierre-Michel Klein vient de la retracer. Cet ami disait... Il ne faut pas dire « il est mort », mais comme les enfants, « il a mouru ». Et à part ça, je voulais juste dire une chose, je le sais par Jankélévitch, mais je n'ai jamais entendu le morceau. Dans « La mort de Socrate » d'Éric Satie, il y a, je ne sais plus quel procédé musical, je crois une seconde mineure, qui illustre, qui correspond à l'aoriste du Phédon. C'est la rupture, c'est le saut qualitatif, et... Tout son bouquin Philosophie première, d'ailleurs, n'est qu'une longue méditation sur cet instant de la mort. Puisque qu'est-ce que la métaphysique chez Jankélévitch? C'est la métaphysique du temps, de la temporalité et de l'instant. Et la mort étant l'instant qui nous est le plus fatal. Et de la création. Et de la... Bien sûr, mais puisqu'on parle de la mort. Bon. Et l'instant qui nous est le plus fatal, tout revient à cela. Et d'ailleurs, condamné à mourir, il disait « Avant de savoir quoi, avant de savoir quelle chose, nous savons, nous, que ce sera une chose extraordinairement simple. » Et à la manière bergsonienne d'une éblouissante simplicité. Simple comme bonjour et bonsoir, si simple que nous nous demanderons le jour où nous saurons comment nous n'y avions pas pensé plus tôt. Alors, c'est la fin de la mort que vous lisez là. Mais là, on est au moment de la mort. Oui. Le mort qui est enterré, il est après la mort. Oui. Et ceux qui accompagnent le cercueil sont les conduites religieuses. Avant la mort. Oui, c'est la raison pour laquelle il dit tout le temps, oui, ça lui fait une belle jambe au mort, la couleur de son cercueil, l'emplacement de la tombe, les discours des proches, le petit coussin sous sa tête. Autrement dit, c'est pour les vivants qu'on enterre les morts. Bien sûr. Toutes les conduites religieuses sont là pour consoler ceux qui assistent à la mort d'un proche. Expérience la plus douloureuse qui soit et à laquelle il accorde une grande place aussi dans son livre. Oui, son enterrement, le contraire d'un homme triste, son enterrement... Isabelle Jean. Nous étions là, c'était un enterrement, et il n'y avait pas énormément de monde. Et Jean Morel, qui est un philosophe que personnellement j'aime beaucoup, qui est très estimable, a lu... a bredouillé plutôt, parce que il était ému, il y avait du vent, on n'entendait pas grand chose. Il a lu une page sur le matin, sur l'ironie du matin, le retour du matin, et c'était très bien justement parce que c'était plutôt dans le Oui, dans la légèreté, dans le « ne vous en faites pas, ça va revenir, il y aura de nouveau des petites fleurs », enfin, c'était pas moins con que ça. Et c'était très beau, parce que, bon, c'était probablement, je sais pas qui avait, c'était Jean Morel qui avait décidé, je pense, et c'était tout à fait ce qui convenait, à mon avis. Ce serait bien qu'il y ait une image de lui, quand même, qui soit, comment dirais-je, droite et libre et légère, lumineuse. Les matinées sont belles, les couchers de soleil sont aussi beaux que les levées du jour, midi est une très belle heure aussi, l'hiver est beau, le printemps est beau, l'aube est belle et le crépuscule également. Au fond, il n'y a pas de saison belle. Et bien de même pour les saisons de la vie, elles sont toutes belles, et la jeunesse quelquefois est très mélancolique, orageuse, elle m'a laissé des souvenirs très tourmentés, mais je ne peux pas distinguer ce qui est la vérité et ce qui vient d'un éclairage posthume, d'un éclairage rétrospectif. Jean Morel. Tout printemps est une mort, il n'y a pas d'autre vie que cette vie-ci. Je vais mourir, n'est-ce pas ? Et dans la mesure où je vais mourir, je sais que tout disparaît pour moi. Qu'est-ce que c'est qu'une vie mortelle ? Ça veut dire qu'à chaque instant, non seulement il y a chaque instant mort en quelque sorte à soi-même, n'est-ce pas ? C'est le temps, c'est la temporalité. Mais le fait même de savoir qu'un jour je vais mourir, ça fait que ma responsabilité est engagée et que l'autre va mourir. Ma responsabilité est engagée dans mon rapport à l'autre et comme à moi-même. Et le respect de la fragilité de l'enfant ou le respect de la fragilité des vieillards ou le respect de la fragilité des êtres, n'est-ce pas, est inséparable de cette conscience précisément du fait que nous mourrons tous. C'est parce que la mort est sans prix, qu'il n'y a qu'une seule vie, qu'il faut respecter absolument la vie en chacun. Aussi bien en soi-même, si vous voulez, qu'en autrui. Nos vies n'ont de sens que dans la mesure où elles sont toujours vie singulière, vie diasporique, vie éclatée, vie multipliée. La mort est ce qui m'expose à l'autre. La mort est inséparable. La mort, c'est aussi, si vous voulez, le fait que ma destinée suppose séparation entre moi et l'autre. L'expérience de la mort, c'est l'expérience du fait qu'il n'y a qu'une vie, n'est-ce pas ? Et c'est pour cela que dire que l'homme est un être mortel est indispensable. Il n'y a qu'une vie, il n'y a pas d'autre vie que celle que nous vivons, et cette vie est toujours singulière, n'est-ce pas ? Il n'y a aucune raison transcendante, aucune vérité transcendante qui permettrait de rendre compte de la vie. Donc la vie est toujours indéfinissable, si vous voulez, c'est un mystère. La mort est un mystère parce que ce n'est pas un secret. Les gens croient toujours qu'il y a un secret, que je vais le sortir de ma poche, n'est-ce pas, qu'il est contenu quelque part. Et la définition du mystère, c'est que justement, ça ne peut pas être un secret. L'anéantissement, mon anéantissement, le mien personnel, qui me choque particulièrement d'ailleurs, cet anéantissement me paraît une idée absolument confuse et obscure, dans laquelle je ne mets rien de pensable. La naissance est aussi mystérieuse et surnaturelle que la mort, l'apparition de quelqu'un qui n'était pas. On sait comment ça se passe, enfin, la conception, l'embryologie, enfin, quelque chose préexiste à la naissance. Et cette préexistence elle-même est pour nous une certaine quiétude, représente une quiétude. Mais au fond, l'apparition de quelqu'un de nouveau est un miracle, enfin, on l'a souvent dit, non moins extraordinaire. Et alors, quand quelqu'un est mort, un être cher, pour prendre l'expérience de la mort la plus courante, enfin celle qui parle le plus éloquemment à chacun de nous, la plus poignante, la disparition d'un être cher. Alors, cette promenade de 70 ans, de 80 ans, dans le firmament du destin, qu'est-ce que ça signifie ? Quelqu'un est né, a vécu, est mort, est disparu, sans laisser l'adresse ? C'est là que réagit pour moi l'espérance. C'est la surnaturalité de ce message. Qu'est-ce qu'il signifie ? Je ne veux pas dire que ce quelqu'un est quelque part maintenant, qu'il m'entend. N'est-ce pas qu'il m'entend, qu'il a un fil spécial avec moi et qu'il est comme les auditeurs invisibles qui nous écoutent maintenant. Il n'est nulle part et il est en dehors du temps. Mais le fait qu'il a vécu, cette promenade dans le destin est un profond mystère, un mystère qui est pour moi consolant et un principe d'espérance. Je ne sais pas si c'est très clair. C'est difficile d'être clair, évidemment, puisqu'on traite là d'une évidence opaque, parce qu'elle est vécue, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais enfin, tout de même, je m'interroge sur le sens à donner à ce qu'il appelle le principe d'espérance, Pierre-Michel. La petite différence, qui est en fait une gigantesque différence, c'est la différence qu'il y a entre ne jamais avoir vécu et le fait d'avoir vécu. C'est-à-dire qu'en fait, on peut aussi bien imaginer qu'un rien absolu a pu intervenir et que nous ne soyons jamais nés. Mais le fait d'être né vient faire intervenir à l'intérieur de cette étrange éternité dans laquelle nous sommes nés une petite différence qui fait que notre mort sera la mort de celui qui a vécu et non pas de celui qui n'a jamais vécu. Et cette toute petite différence vient en fait s'inscrire irrévocablement dans l'éternité. Alors quand il dit espérance, il faut bien distinguer espérance et espoir. Religieuse. C'est-à-dire, lorsqu'il dit espoir et espérance, il y a des textes dans la mort, un petit texte qui distingue justement l'espoir qui est un objet. C'est-à-dire un espoir, on peut dire j'espère que tout à l'heure ce qui va se passer se passera bien. Et puis l'espérance qui est sans objet. Hein, un petit peu comme la peur par rapport à l'angoisse. Donc la peur est un objet et l'espoir est un objet. Et puis l'angoisse n'a pas d'objet, on ne sait pas de quoi on a peur, mais on a peur. Et puis l'espérance, elle aussi n'a pas d'objet. Et bien, d'une certaine manière, le fait d'avoir vécu nous emplit, sans qu'on sache exactement d'où cela vient, d'une sorte de, non pas de promesse, mais de différence dans le néant, qui fait que le néant n'est pas tout à fait le néant, parce que ce fait lui-même comporte, dans son effectivité irrévocable, quelque chose d'ineffaçable. Et de même, on peut ressentir ça par rapport à quelqu'un qu'on a aimé et qui a disparu. Bien, le fait qu'il a été là vient rendre ineffaçable sa présence, même dans l'éternité de son absence. Cette toute petite différence entre un néant où il ne s'est rien passé et un néant où il s'est passé quelque chose, cette toute petite différence amène à l'espérance, même sans espoir. Il faut souligner que Jean Kelevitch n'avait pas une perspective religieuse. D'ailleurs, ce qu'on a oublié de dire, c'est que la mort... Auparavant, jusqu'à la fin du XIXe siècle, était un sujet pour les théologiens. Il est un des premiers philosophes à s'attaquer à ce sujet. Il n'y avait pas de livre sur la mort au XIXe siècle. Et d'ailleurs, il le fait aussi peut-être un peu pour faire un pied de nez à toutes les chapelles philosophiques qui l'ennuyaient profondément. C'est un sujet nouveau. Mais lui, évidemment, pour lui, son livre de philosophie sur la mort, mais même ses textes de pensée la mort, ne sont sous-tendus par aucune pensée religieuse. Il disait toujours... Je ne suis pas croyant, mais alors je pense à une réalité spirituelle qui me permettrait de fonder mon espérance. C'est-à-dire, il ne refusait l'anéantissement, comme on l'a entendu tout à l'heure. Oui, donc, refuser l'anéantissement, est-ce que ça veut dire que quelque chose subsiste? Voilà. Et il ne pensait pas que quelque chose de tangible subsiste, mais il y avait quand même une espérance, indicible. Il en parlait souvent. Et il y a un texte dans Penser la mort, une interview où celui qui fait l'entretien veut vraiment le presser de dire, mais si vous n'êtes pas croyant, alors vous êtes athée. Il dit athée, cela veut dire ne pas croire en Dieu. Mais je pense, je suis un adepte de l'espérance. Il pensait que l'homme ne pouvait pas vivre sans qu'il y ait une petite entr'ouverture, un entrebâillement, quelque chose qui nous permette de respirer. François Georges. François Schwab évoquait les théologiens. Jean Kelevitch aimait parodier la théologie, par exemple, si Dieu existe comme le premier président de la Cour de cassation, alors il n'existe pas. Et en un mot, je dirais, il est agnostique. Oui, agnostique. Oui, mais alors ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que justement, Dieu, pour exister, a besoin d'échapper à tout ordre démonstratif, exactement. Justement. Alors, ce qui pouvait beaucoup plaire à Jean Kelevitch, c'est la théologie négative. Ça correspondait tout à fait le à son esprit. Le pseudo-Denis, oui. Les ténèbres lumineuses. Il aimait employer le paradoxe, la ténèbre lumineuse, toutes ces choses qui suggéreraient une petite lueur, pas d'espoir, effectivement, une petite lueur, une petite flamme d'espérance, mais... pour laquelle aucun nom, aucun qualificatif ne convient. Autrement dit, l'expression de ténèbres lumineuses, c'est-à-dire d'un penseur de la mort qui finalement convertit ça en une certaine forme de gaieté, en tout cas on l'entend, est joyeux. Il aimait la vie. Cette méditation de la mort qui devient une méditation de la vie, lui va mieux que l'idée de lumière ténébreuse. Bien sûr. Alors justement, il n'y a pas de printemps sans mort. Il n'y a pas de renouvellement sans déliquescence. Et à l'entendre, on se dit finalement... que tout cela n'est pas si grave et que peut-être le vrai problème serait, je pose la question à tous les trois, serait pour l'homme de ne jamais mourir. Pierre-Michel Klein. Tout à fait, ça rejoint effectivement cette intermédiarité humaine. Enfin, pourtant, c'est épouvantable de mourir. c'est épouvantable, mais en même temps, il faut distinguer les morts. Là, il s'agit de bien savoir que lorsque, comme l'a rappelé tout à l'heure François Georges, il s'agit d'une petite fille à Auschwitz, ou lorsqu'il s'agit d'un vieillard qui finit sa vie dans son lit. Ça n'a pas du tout le même sens et ça n'a pas de comparabilité possible. Mais si on pense à la mort, la nôtre, la vôtre, eh bien, il faut redire évidemment que c'est cette limite qui donne forme à notre vie. Et même d'une certaine manière, nous pouvons penser à notre propre vie, au futur antérieur, disait-il. C'est-à-dire, nous aurons été, il aura été que nous avons fait cela, ou bien nous faisons ce que nous pouvons pour faire au mieux de manière à ce que plus tard, nous ne reprochons rien. C'est-à-dire que très très souvent, nous vivons au futur antérieur dans une sorte d'anticipation de l'illusion rétrospective par laquelle nous pourrions recomposer notre vie en disant finalement, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ? Ces phrases que nous prononçons parfois sont des surgissements au-dessus de notre vie pour essayer de savoir quel en est le sens. Eh bien, Jean Kevitch se posait souvent cette question. Quel rapport la conscience qu'un homme a de sa vie a-t-elle avec le sens qu'il se pose quant au sens de cette même vie ? Alors, de temps en temps, on est dans la vie et on n'a pas le temps de se poser la question de son sens. Et puis, quelquefois, on est un tout petit peu hors de la vie, même en la vivant, et on prend conscience de ce qu'on est en train de faire et est-ce qu'il faut prendre une autre décision quant aux directions à prendre. Et alors donc, il y a beaucoup de passages de son livre sur la mort où il essaye de voir ce qu'il en est du rapport entre vivre sa vie sans en prendre conscience et puis prendre conscience de sa vie, mais d'une certaine manière sans la vivre totalement. Mais est-ce qu'on n'est pas à cet instant dans ce qu'il dénonçait comme l'illusion rétrospective d'un homme qui a fait telle ou telle chose, s'est livré au hasard de son existence et puis qui à un moment dit... Bien voilà ce que j'ai fait, je devais le faire, et donne un sens, donne une cohérence à tout ça. Ou bien je ne devais pas le faire. Ou je ne devais pas le faire. C'est-à-dire qu'on est toujours dans la contradiction. Michel, exactement, ce que dit Michel appelle quelque chose, un mot que l'on n'a pas encore prononcé, mais qui se lit en filigrane dans tous les livres de Jean Kelevitch, c'est le mot responsabilité. À partir de cette réflexion sur la mort, comme pour faire écho à cette réflexion, il nous parle de la vie, et qu'est-ce qui justifie une vie d'homme, c'est sa responsabilité vis-à-vis de lui, vis-à-vis des autres. Et à ce point de vue-là, pour faire face à l'absurdité, au fond, de cette chose qui va arriver, il a besoin, dans sa pensée, de trouver un cadre très précis, très structuré. Ce n'est pas, comme on le pense toujours, une pensée fluente, brillante. Non, c'est très précis. C'est ce qu'il faut faire, la morale, la responsabilité. Et ce livre sur la mort fait bien sûr appel à Philosophie première, qui est un livre plutôt métaphysique, mais c'est un livre de morale. Et notre réflexion, puisqu'il n'y a rien à penser de la mort, si ce n'est, comme on l'a dit, l'instant, il y a beaucoup à penser de la vie, et de la vie placée subspecie, eternitatis, c'est-à-dire sous l'œil de l'éternité, et des comptes, peut-être, que nous avons à rendre plus tard. La mort, c'est tout de même l'idée qu'on se fait de sa propre disparition. Eh bien, l'idée, la conscience qu'on prend d'une disparition qui va venir, c'est-à-dire quelque chose qui est de l'ordre de la conscience qu'on prend. Bien. Et or, dans l'ensemble de la vie, et là je reprends quelques indications que Jean Kelevitch fait dans un cours sur l'immédiat, c'est qu'il y a des petites morts dans la vie. Alors évidemment, ce sont ce qu'il appelle des morts partitives et non pas des morts absolues, comme la mort qui nous attend définitivement. Non, des morts partitives. Alors qu'est-ce qu'il appelle les petites morts de la vie qui nous donnent une sorte de, non pas d'entrevision, mais disons quelque chose qui nous permet d'avancer vers des intuitions éventuelles de ce qui est impossible à penser. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est justement des moments où on pense la contradiction entre le fait de vivre sans prendre conscience de ce qu'on vit, c'est-à-dire un petit peu comme un mollusque, comme un animal, c'est-à-dire qu'on vit ce qu'on vit mais on ne pense pas ce qu'on vit, et puis des moments où on essaye de prendre conscience de ce qu'on vit, mais à ce moment-là on le vit plus, c'est-à-dire que dès lors qu'on commence, que le pianiste par exemple commence à réfléchir beaucoup trop à la manière dont il joue du piano, alors il va mal jouer, c'est-à-dire la conscience et la connaissance sont contradictoires avec la vie dont on prend conscience et dont on prend connaissance. Donc il y a une sorte d'opposition entre vivre et savoir ce qu'on fait, et puis savoir ce qu'on fait, mais en même temps, ça empêche un tout petit peu la vie. Il appelle ça des demi-morts, c'est-à-dire le fait d'être comme un mollusque, c'est vivre, parce que c'est un biologiquement, il est vivant, mais en même temps, il ne prend pas conscience. Donc, il vit, mais il est à demi-mort, parce qu'il ne prend pas conscience de sa vie. Et puis, de l'autre côté, prendre conscience de sa vie, prendre conscience de ce que je fais, m'arrêter, et puis commencer à réfléchir au sens de mon existence, c'est effectivement vivre. Seulement, le vécu lui-même immédiat, le fait de lancer ma boule de bowling dans les quilles, eh bien, là, je ne le vis plus, puisque j'ai trop conscience de ce que je fais. Alors, c'est une semi-mort. Et finalement, la vie, dit-il, c'est une sorte de passage, de clignotement entre ces moments où on vit ce qu'on vit sans trop y penser et ces moments où on pense à ce qu'on vient de faire ou ce qu'on va faire sans trop les vivre. Et c'est des demi-morts qui passent à d'autres demi-morts dans un clignotement dans lequel le point de passage est l'instant. C'est-à-dire qu'on passe en un instant, ou du moment où on vit ce qu'on vit sans y penser, au moment soudainement, exactness, du moment où on vit ce qu'on vit sans y penser, ou au moment où on pense sans le vivre. On est toujours un être amphibie, dit-il, intermédiaire, toujours fini, qui ne peut pas réconcilier un demi-dieu, la pleine conscience de ce que l'on vit, comme en même temps, d'ailleurs, on ne pourra jamais vivre totalement la mort elle-même. Eh bien, ces demi-morts qui passent à des demi-morts passent par un instant qui ressemble étrangement à cet instant vers lequel toute la pensée de Jean Kelevitch a essayé d'avancer, sans jamais le saisir, à voir l'instant extraordinaire qui est l'instant ineffable d'un moment musical, ou l'instant indicible que personne ne saisira et qui est l'instant de la mort. Utile, chaque jour de sa vie, penser à la mort, accumuler des trésors de graves réflexions, thésauriser les maximes et les sentences des sages, le mortel n'en serait pas moins ignorant, inexpérimenté et maladroit comme un petit enfant. Le moment venu, il sera comme tout un chacun faible et désarmé, au bord des froides ténèbres et dans le vent glacé qui souffle sur ce monde inconnu. Sur le seuil de la grande nuit si noire, le sage n'est plus qu'un pauvre orphelin. Et la sagesse des fourmis n'est pas plus avancée sur ce point que l'insouciance des oiseaux du ciel. Les circonstances de la vie qui touchent à la continuation de l'existence demandent une préparation et admettent parfois un apprentissage ou une accoutumance. Mais on n'apprend pas à mourir. On ne se prépare pas à ce qui est d'un tout autre ordre. Ce que la mort exige, c'est une préparation sans préparatif. J'étais très frappé dans ce que vous disiez, Pierre-Michel Klein, par le rapport entre ces demi-morts et le péché d'Adam, l'interprétation qu'il donne du péché d'Adam. Ce moment où, mangeant la pomme, le fruit de l'arbre de la connaissance, Adam passe d'une immortalité inconsciente à une mortalité consciente d'elle-même. Et qu'en fait, de demi-dieux que nous étions, c'est-à-dire des immortels inconscients, nous restons demi-dieux, mais différemment, puisque nous devenons mortels conscients. Et que si c'était à refaire, eh bien, finalement, on le referait. Et que ce péché est plutôt une bonne nouvelle, François. D'ailleurs, le premier cours auquel j'ai assisté s'appelait La Tentation. Et pendant une bonne partie du cours, il nous parlait des éons supralapsaires. Et j'étais toute jeune à l'époque, je faisais des études d'histoire et je tapais ma voisine en disant « Qu'est-ce qu'un néon supralapsaire ?» Eh bien voilà, un néon supralapsaire, c'est quelqu'un d'avant la faute. C'est une chose, un être qui a vécu avant la faute. Avec Jean Kelevitch, il y a toujours un peu un parallèle qu'on peut faire avec la musique. Et en quelque sorte, le silence, eh bien, c'est une métaphore de la mort. Et cela est très sensible dans les dernières œuvres de Liszt. Jean Kelevitch a opposé le Liszt virtuose au Liszt des dernières années. Et il parle de ce silence qui infiltre les dernières partitions de Liszt qui sont en quelque sorte des messages de la mort, les gondoles funèbres, etc. Et alors, indépendamment de cette rupture soudaine, on pourrait parler aussi du passage. Jean Kelevitch était très intéressé par le pianissimo. Donc dans le texte qu'on a entendu tout à l'heure, Jean Kelevitch explique qu'on n'apprend pas à mourir. C'est une position très anti-stoïcienne, hein, pour qui les stoïciens, pour qui philosopher, c'est effectivement apprendre à mourir. On ne meurt pas de mieux en mieux. Mais moins bien. Mais alors, donc on n'apprend pas à mourir. Mais la vertu n'est pas plus récompensée que le vice. La fourmi, elle a beau thésauriser, accumuler, elle n'en mourra pas moins. Oui. Quelle morale élaborer pour un mort en sursis ? Le mort en sursis que nous sommes tous, hein. Quelle morale ? Plus on donne, plus on a. Et la vertu n'est pas... Il n'y a pas de potion, il n'y a pas de posologie. On ne peut pas quantifier, on ne peut pas les classer. Les vertus, ces demoiselles, disait-il. Je pense que tout est dans le geste, tout est dans le moment innocent de la charité, de la bonté, de l'amour. Et dans cet instant, s'il y a regard sur soi, s'il y a antériorité, s'il y a préparation, eh bien, tout le bénéfice de l'acte moral est envolé. Il n'y a plus d'acte moral, puisqu'il se soutient là encore à un point de tangence, à la limite, sur le seuil de, et au moment où tout bascule dans le bon ou dans le mal. Oui, c'est vrai qu'il y a un rapport entre la morale, la vie morale, et donc les indications que la position de la mort dans notre existence propose à notre vie morale, c'est justement que nous ne savons pas exactement quand nous allons mourir. Et même si nous sommes vertueux un jour, deux jours, un mois, deux mois, trois ans, dix ans, quinze ans, vingt ans, eh bien le fait d'avoir été vertueux ou d'avoir fait des bonnes actions, ce n'est pas une richesse qu'on accumule. Par conséquent, le fait de faire quelque chose est toujours lié à l'instant de le faire et n'est pas une garantie qui nous préserve, parce qu'on l'a fait, des éventuelles méchancetés qu'on serait capable de faire, parce qu'on a encore à vivre. Et alors finalement, eh bien, le fait qu'on a toujours quelques secondes de plus à vivre fait que ce qu'on a fait est toujours à refaire. Et ça, il le disait tout le temps. La mort, finalement, c'est quelque chose qui est une limite, mais une limite qu'on n'atteindra jamais du point de vue de la conscience qu'on en a. Et par conséquent, jusqu'à la dernière limite, on a encore quelque chose à faire. Et puisqu'on a encore quelque chose à faire, eh bien, tout ce qu'on a fait n'est pas une garantie quant au caractère vertueux de l'existence qu'on a menée. C'est pas parce que être fourmi ne sert à rien qu'il faut être cigale, donc. Oui, il disait d'ailleurs, un quart d'heure d'amour peut justifier une vie monotone, il raconte ça dans l'aventure, de toute une vie. Donc ça, c'est le paradoxe aussi de la morale. Si tout est toujours à refaire, il n'y a pas que cela. Un quart d'heure d'action, d'innocence enchantée peut justifier une existence terne et monotone. On a les deux, le croisement des deux. Donc, il faudrait peut-être toujours se tenir prêt. François Georges. Oui, moi, je crois, je permets une objection, Raphaël. Moi, je crois qu'il préférait la cigale à la fourmi. Cela étant, je voulais dire que, à part ça, il y a quelque chose chez lui d'un peu désespérant. Il y a une notion de grâce qui est quasiment janséniste. Voilà. Et il dit, par exemple, bon, on peut apprendre à verser des larmes de crocodile, mais on n'apprendra pas à éprouver sincèrement de la sympathie. Alors, y aurait-il, selon Jean Kelevitch, des artistes si nous étions immortels ? Là, on touche exactement à ce sur quoi il a essayé de réfléchir, justement, lorsqu'il pensait la vie après la mort. Parce que c'est quelque chose qui nous intéresse tous, d'une certaine manière. C'est-à-dire, au fond, il prenait l'exemple de lui, non pas d'artiste, mais de savant. Alors, il prenait l'exemple de Pythagore. Où il prenait l'exemple de Socrate, c'est-à-dire des gens qui sont des génies. Alors des génies qui ont pensé, produit des vérités éternelles. Et c'est quand même à partir d'eux qu'il essaye de penser quel rapport y a-t-il entre le fait de dire quelque chose qui est une vérité éternelle et ensuite de mourir. C'est-à-dire, il y a celui qui pense les vérités éternelles, et puis il y a le penseur qui, lui, va disparaître. Tout le monde connaît le théorème de Pythagore, mais personne ne peut voir et discuter avec Pythagore. Eh bien, d'une certaine manière aussi, malgré le fait que nous allons mourir nous-mêmes, nous sommes capables de dire des vérités ou d'agir de manière bonne. Eh bien, ces moments-là sont des moments mystérieux qui font que nous nous inscrivons comme un homme, comme un être humain, intermédiaire entre celui qui va mourir et celui qui, tout de même, prend un viatique pour l'éternité. C'est parce qu'il peut mourir que l'homme peut penser, souffrir, aimer et avant tout créer. S'il disposait d'un temps infini, l'homme resterait stérile et l'action aurait au fait de s'endormir dans une passivité végétative, pompeusement appelée éternité. Sur cette lancée, le plus monstrueux des supplices serait bien d'être condamné à ne jamais mourir. La mort ou l'expérience de l'impensable, avec la voix de Vladimir Jankélévitch et avec Françoise Schwab, Pierre-Michel Klein, François Georges, Archive Ina, Hervé Evano. Les textes sont lus par Garance Clavel, Georges Kless. De réalisation, Marie-Christine Closet, Michel Mestre, Bernard Laniel et Jean-Michel Coqui. Une émission proposée par Raphaël Antoven. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 9 août 2003. Demain, à la même heure, dans les nuits de France Culture, troisième volet de la série, de la musique au silence.